éternelle. La vie des femmes incroyables qui ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, je vous parle d'une femme qui a osé dire non au corset et oui à la liberté. Une femme née dans la pauvreté, qui a grandi dans un orphelinat et qui, pourtant, allait redéfinir la manière dont le monde voyait les femmes. Son nom, c'est Coco Chanel. Gabrielle Chanel, de son vrai nom, voit le jour en 1883. Son enfance est dure, marquée par le manque et la solitude. Orpheline à 12 ans, elle grandit dans un orphelinat avec ses sœurs. Mais très vite, elle comprend qu'elle ne veut pas d'une vie toute tracée. Quand elle devient Coco, en chantant dans des cafés, elle comprend déjà quelque chose. Pour exister, il faut oser sortir du cadre. Ce n'est pas encore la gloire, mais c'est le début de quelque chose. Sur scène, elle apprend à s'affirmer, à exister, à tenir tête. Puis, elle découvre la couture grâce à sa tante. Et là, elle comprend qu'elle peut faire bien plus que des vêtements. Elle peut changer la manière dont les femmes se tiennent, bougent, respirent. Au début du XXe siècle, les femmes vivaient littéralement enfermées dans leur corset. Coco Chanel décide de les en libérer. Elle raccourcit les jupes, fait tomber les baleines qui donnent forme et maintien au corset, et simplifie les coupes. Ses vêtements sont légers, pratiques et élégants. Ils permettent de marcher, de travailler, de vivre sans renoncer à la beauté. Car pour Gabrielle, il ne faut pas souffrir pour être belle, bien au contraire. C'est une révolution silencieuse, mais une révolution quand même. Coco Chanel impose l'idée qu'une femme peut être élégante sans se plier aux règles des hommes. Coco Chanel retranscrit sa volonté de modernité pour la femme dans ses créations en leur donnant une allure androgyne à travers des robes droites et des pantalons jusqu'alors réservés aux hommes. En 1921, elle lance son parfum, le célèbre Chanel numéro 5. Encore une fois, elle bouscule les codes. Ce parfum est révolutionnaire dans sa composition, dans son nom et dans sa forme plutôt minimaliste. Mais avant tout, on reconnaît Coco Chanel grâce à sa couleur emblématique, le noir. En 1926, elle dessine la fameuse petite robe noire, couleur qui était avant Chanel synonyme de deuil. Pourtant, le modèle devient un classique de la maison de couture et plus généralement dans la mode. Bien sûr, la vie de Coco Chanel n'est pas sans zone d'ombre. Ses relations pendant la guerre, ses alliances discutables, mais au-delà des débats, son influence reste immense parce qu'elle a changé la manière dont on regarde les femmes. Coco Chanel, c'est la preuve qu'on peut venir de rien et tout construire, qu'on peut passer son enfance dans un orphelinat et pourtant devenir le symbole de l'élégance française.